train de se relax. Il fait tout beau dehors, l'air climatisé c'est au max. C'est pour ça que j'ouvre les stores. Je pourrais courir stressé, mais je suis pas pressé. On a tous nos pépins, c'est là que je veux pas me faire chier. C'est le début de la journée, take it easy man. Hey boy, reste lazy, le soleil je l'amène. Je suis pas un spécimen, je suis un crazy man. Je veux pas de dilemme, ma vie quand est précis, je l'aime. Hey babe, prends une marche sur le chill side. Hey babe, prends une pause au gré du sunlight. Mais garde la tête frette, garde ta main prête, prête. La bière est arrivée, on chill jusqu'à demain 7. 24 comme la caisse pour les chips, vodka ice. Un pour celui qui vomit, tout le monde trouve ça nice. Il fait beau, il fait chaud, pour les gros il fait trop. L'alcool coule à flot, y'est pas trop tôt pour l'accro. Écrase ton fessier, laisse les autres énerver. Spot les chicks parader, check leur chum s'alarmer. Mais reste assis, j't'en prie, reste assis. Garde ton énergie parce qu'il reste la nuit. Prends ça relax, y'en a pas de problème. T'es qui easy man, y'en a pas de problème. Toutes les filles qui viennent ici, y'en a pas de problème. Tout le monde est à son top, y'en a pas de problème. Prends ça relax, y'en a pas de problème. T'es qui easy man, y'en a pas de problème. Toutes les filles qui viennent ici, y'en a pas de problème. Tout le monde est à son top, y'en a pas de problème. J'suis vraiment juste ben alright, gueule, soleil de midi. Alright. Check les bikinis, chérie, je veux finir ma vie ici. C'est comme Beverly ici, vas-y flash tes hills ici. Vas-y flash tes hills ici, vas-y plus bas que nombril pas de pour être blessed. T'aimes ça quand le monde crie. Ok, wow, relax, on va laisser nos fantasmes. Y'a des filles en masse, mais il se passe d'autres choses en face. Que ça soit sur une terrasse, sur un patio, sur le barbecue, je veux bien cuit, j'aime pas ça, bien mou. Bon, ça y est, j'suis plus blanc, là ça vient, j'suis plus lent. Le soleil vient taper, shit, ça doit être beau tout nu, hein. J'me rafraîchis sans excès, crème solaire à l'excès. Pour l'hiver, c'est l'exit, summertime, c'est l'excès. Tout le monde parle, mais personne dit rien, on s'en calisse. La la la la la la, on est très chaud. En Celsius, on pète des records. Il fait beau, on suit toute notre route fort. Mais commence à te lever, vas-y, commence à te lever. Le soleil est parti, la lune commence à se lever. Prends ça relax, y'en a pas de problème. Take it easy, man, y'en a pas de problème. Toutes les filles qui viennent ici, y'en a pas de problème. Tout le monde est à son top, y'en a pas de problème. Prends ça relax, y'en a pas de problème. Take it easy, man, y'en a pas de problème. Toutes les filles qui viennent ici, y'en a pas de problème. Tout le monde est à son top, y'en a pas de problème. Bon, soleil brille dans le ciel étoilé. What's up, moi c'est Ups, pis toi qui c'est que t'es? Moi avec je l'ai spoté. Molly et Maria, et baby ready pour la fiesta, fiesta. Good Tony, t'as pas de l'air à chercher ton lit. Wow, t'es horny, arrête de snapper son jeans. Ben oups, j'me pratique comme si c'était le pignetta. Fait qu'il faut que je la pénètre avant que je choupe avec un autre gars. Suis les coups de bass, lève les mains, écoute. Laisse les filles qui bougent bien, c'est à mon tour, y'a où le joint. Mets la tête dans le baril, t'es pas game. Tu sais que tu prends un petit bus à l'anus, ça y est, le foie shake. Même s'il y a du cul partout, on veut pas de merde pour rien. Tu calmes tes nerfs ou ben, tu vas faire mal pour rien. Camera action, parce que tout le monde est fashion. À part du hippie, tout le monde est top, même au clair de lune. Laisse qui éclaire mon homme, bientôt 24 heures qu'on fête. T'es mieux d'en profiter demain, tu poignes le mal de tête. À tous les gars, les filles, même ceux qui ont les fesses à l'air. Arrête tout ce que tu fais, montre-nous que tu connais l'air. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Prends ça relax, y'en a pas de problème. Take it easy, man, y'en a pas de problème. Toutes les filles qui viennent ici, y'en a pas de problème. Tout le monde est à son top, y'en a pas de problème. Prends ça relax, y'en a pas de problème. Take it easy, man, y'en a pas de problème. Toutes les filles qui viennent ici, y'en a pas de problème. Tout le monde est à son top, y'en a pas de problème. Hey, hey.